La musique de ton corps me pianote sur le clavier de mes reins. La musique de ton corps me violonne sur les cordes de mon cœur. La musique de ton corps me harpe sur la portée de mes hanches. La musique de ton corps me arche dans la symphonie de mes sens. La musique de ton corps m'orchestre sur les notes de mon amour.